Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre. Fungule ma Biblia yenu mu Petro wa kwanza. Premier Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura ya tano. En son verset 8. Mustari yake ya munane. Apocalypse 13. Ufunuo sura 13. Verset 4. Mustari ya ine. Dieu Tout-Puissant. Mungu Mwenyezi. Toi seul, tu es l'auteur de la vie. We peke njo mwanzishi ya bujima. Tu nous as donné la santé et le souffle de vie. Ulitupatia afya njema na pumzi ya buzima. Tu as conduit nos pas en ces lieux pour écouter ta parole. Uliongoza matua yetu paifazi juu ya kusikia neno lako. Tu as promis d'être là où s'assemble deux ou trois en ton nom. Urilaka ya kwamba wewe utakuwa pale bawili wala batatu wanakusanyika mjina lako. Soit nous sommes assemblés à ton nom pour écouter ta parole. Mangaribi ya leo tunakusanyika mjina lako juu ya kusikia neno lako. Descends, Seigneur. Ushuke Bwana. Et viens nous bénir. Na upatikuja kutubariki. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Tunahitaji uwepo wako mu maisha yetu. Pour marcher dans tes voies. Juu ya kutembea mu manjia yako. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Ubariki kila mmoja wetu namna ya upekee. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno tutasoma. Que tout se fasse pour ta gloire. Yote fanywe juu ya utukufu wako. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura ya 5. Dans son verset 8. Mstari yake ya 8. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura 5. Dans son verset 8 nous lisons. Mustari ya 8 tunasoma hivi. Soyez sobre. Muwe na kiasi. Veillez. Na mukeshe. Votre adversaire le diable. Adui wenu diabolo. Rôde comme un lion rugissant. Anazunguka sawa simba mwenye kunguruma. Sachant qui il dévorera. Na eko na tafuta ni nani ule anawezi kupepeta. Apocalypse 13. Ufunuo sura 13. Dans son verset 4. Mustari ya 4. Et ils adorèrent les dragons. Na walimwabudu ule joka. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Wani yeye alimpatia mamlaka ule nyama. Ils adorèrent la bête en disant, walimwabudu nyama na kusema, qui est semblable à la bête? Nani ule anafananisha na nyama? Et qui peut combattre contre elle? Nani ule anawezi kumukombanisha? Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Hier, nous nous sommes arrêtés sur une pensée. Jana tulisimamia pa wazo moja. Pour montrer à l'église pourquoi aujourd'hui les gens tombent dans les faux réveils. Juu ya kuonesha kukanisa ya kwamba juu ya nini leo batu beko nanguka mu maamsho ya bongo. Les gens vont auprès des faux réveils. Batu beko naenda ku maamsho ya bongo. Et même pourquoi aujourd'hui nous voyons des faux réveils apparaître. Na juu ya nini hata leo tuko naona maamsho ya bongo iko naonekana. Comme la Bible le dit en Osée. Paka vile Biblia inaisema mu Osea. Que mon peuple périt par manque de la connaissance. Ya kwamba taifa yangu iko na kufa kukosa ufahamu. C'est l'une des premières causes qui amène les gens à adhérer au fort réveil. Ile ni mmoja ya masababu ile kuna sukuma bantu baingie kumamsho ya bongo. Nous avons parlé de l'essoufflement. De croyants dans leur marche ya kuchoka, vers le ciel. Kuchoka kwa waminifu musafari yabo ya kwenda kumbingu. Beaucoup de gens sont fatigués. Batu mingi basha choka. Ceux qui avançaient n'avancent plus. Ils sont devenus stationnaires. Bale barukwa na songa mbele, abasonge tena mbele, banasimbama fazi moye. Nous avons montré le troisième point. Turonesha nukta ya tatu. C'est la recherche de solutions faciles et magiques. Ni mkutafutisha majibu ya mwepesi na ya kwa ghafla, wale ya kutoka umaji. Aux problèmes que les gens rencontrent, leur vie, rencontrent dans leur vie. Kumambo ile batu beko napata maisha yabo. Et quatrièmement. Na kiaine. Les gens sont à la recherche de la stabilité. Batu beko natafuta musimamo ya maisha. Ils ont besoin de l'argent. Banahitaji feza. Ils ont besoin d'une quantité de matériel. Banahitaji beko na bitu ya mingi. Ils ont besoin de la guérison du corps. Banahitaji utunzo ya mwili. Ils veulent voir un miracle. Banapenda kuona muujiza. C'est ainsi qu'ils tombent entre les mains du diable. Jo kwa maana beko naangukia mikono ya shetani. Comme nous l'avons dit hier, paka vile tulimionyesha jana, lorsque une personne est dans cet état, wakati mtu anapatikana mwile hali, Satan est prêt pour lui donner sa bénédiction. Shetani yuko tayari juu mupatie baraka yake. Et pour un tel homme ou une telle femme, kwa mtu wa namna hii mwanamke wala mwanaume, Satan a ses solutions. Shetani yuko na majibu yake. Mais les bénédictions ainsi que les solutions de Satan, lakini mabaraka pamoja na majibu ya shetani, ne sont que des cadeaux empoisonnés. Yo yuko tu ni mazawadi yenye kutiwa sumu qui conduisent à la mort. Ile kunapeleka kulufu. C'est pourquoi nous devons être prudents. Jokamana tunapashi kusopoka sana. Aujourd'hui dans le monde comme nous l'avons montré hier. Leo hii mudunia mzima vile tulionyesha jana. Les antichrists. Bapinga Kristo. Les faux prophètes. Manabi ya bongo. N'ont plus peur. Abana tena na boka. De proclamer leur folie. Wakutangaza bazimu yabo. De propager le mal partout. Ya kuzambarisha bubaya fazi yote. Pour nous qui croyons la vérité, kwetu sisi wenye kuamini ukweli, c'est aussi un temps favorable. Ni wakati ya mafa kwetu. Où la vérité doit être proclamée avec la dernière énergie. Mule ukweli inapashi tangaziwe na nguvu yote. Comme nous l'avons déjà montré. Paka vile tulikuwa tunesha yionesha. Et comme nous l'avons dit hier. Na sawa vile tulisema tena na jana. Aujourd'hui. Leo hii. Tout est déjà en place. Tout est déjà prêt. Yote viko tayari. Pour la réalisation. Dieu a kutimiza. De toutes les prophéties qui sont écrites dans le livre de Daniel. Jua kutimilika kwa maunabi yote yenye kuandikwa mkitabu ya Danieli. Dans le livre d'Apocalypse. Mkitabu ya Ufunuo. Et dans tous les livres prophétiques de la Bible, na vitabu vyote vya unabii vya Biblia, même pour le fonctionnement de ce gouvernement mondial, hata kwa ajili ya kutumika kwa hii serikali ya ulimwengu mzima, qui sera en action bientôt. Ile itatumika mwasiku kijapo hii. C'est pourquoi aujourd'hui, choko mana leo, on parle de la mondialisation. Biko nasema mambo ya ulimwengu mzima itengamane iko mzuri. Aujourd'hui, on voit de grandes sociétés qui font fusion. Leo kunaonekana makampuni mnene inaungana pamoja. Ce qu'on appelle les multinationales. Ile biko naita watu wenye kuwa na fedha mingi wa ulimwengu mzima. Aujourd'hui, les droits de l'homme. Leo halali ya mtu. Halali ya mtu haina tena yenye kuheshimiwa. Le droit. Halali ya mtu. De l'homme est promu. Ah, bana ilaka ya kwamba bataheshimia. On parle de la liberté de la femme partout. Bana tangaza uhuru ya mwanamke fazi yote. Les secrets, les sociétés secrètes que nous appelons les sociétés occultes. Ah, manake mikusaniko ya siri ile tunaita ya uchawi. Se répandent partout. Inazambala la fazi yote. Dans les sociétés. Muma kampuni. Dans les églises. Muma kanisa. Dans la politique. Musiasa. Parmi ceux qui font les activités commerciales. Katikati wenye kufanya biashara. On voit toutes les choses apparaître. Ibi vitu vyote vinaanza kuonekana. Le communisme a déjà pris place. Muungano ya makanisa mzima inesha uchugua fazi, inaonekana. On parle de synode. Leo nasema mambo ya synode. Tous les religieux veulent avoir un seul langage. Batu bote ba kidini wanapenda bakuwe na msemeo moja. La science elle-même veut parler le même langage. Ujusi yonye wala marifa inapenda ikuwe na msemeo moja moja. Nous sommes dans un tournant. Tukutumu mambo moja angaiko, angaisho. Nous sommes dans un tournant. Ah, tukutumu mkumba, kumba kumba. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Kuku kitu fulani kitafika sasa hivi. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. Il y a un complot mondial. Kuku masikilizano ya ulimwengu mzima. Que Satan est en train de faire. Ile shetani yeye anatengeneza. C'est vrai. Bia kweli. La clé ou les clés du pouvoir. Funguo ala mafunguo ya uwezo. Dans le plan pour exercer l'autorité mondiale. Mapla jua kutimiza mamlaka ya ulimwengu mzima. Pour exercer l'autorité mondiale. Jua kutumia mamlaka ya ulimwengu mzima. Il y a un plan que Satan a déjà conçu. Hukumapu ile shetani anesha kutunga. Pour que ce pouvoir s'exerce sur la terre. Jua ile uwezo ya kuongoza ulimwengu mzima ipate kuonekana pa dunia. Il y a des clés. Kuko mafunguo. Pour que ce pouvoir s'exerce. Jua ile uwezo wala uongozi ya kuongoza dunia mzima ipate kufanika. Il y a le pouvoir politique. Kuku mamlaka ya kisiasa. Et le gouvernement. Na serikali. Le gouvernement. Ma serikali. Qui vont œuvrer. Il est atumika. Dans le compte de Satan. Mufaida ya shetani. Pour que son plan se réalise. Ya mapu yake pate kutimilika. Afin que ce gouvernement mondial, ili serikali ya ulimwengu mzima, s'installe. Ipate kuonekana na kuikadishisha mzuri. Si vous suivez les informations, mukifuata mahabari, vous regardez la politique mondiale, mukiangalia siasa ya ulimwengu mzima, tous les chefs de gouvernement, bakubwa bote ba maserikali, tous les chefs des États, bakubwa bote ba mainchi, veulent avoir une seule politique, wanapenda bakuwe na siasa moja, veulent parler le même langage, wanapenda bakuwe na msemeo moja. Et vous remarquerez aujourd'hui, na mutaona ta leo, que les lois nationales de chaque pays, ya kwamba masheria ya inchi, ya kila inchi, sont absorbées dans les lois internationales. Bana iku inapatikana ndani ya sheria ya ulimwengu mzima. Il n'y a plus des états souverains. Hakuna tena mainchi ya utawala payayo. La souveraineté des états est piétinée. Utawala ya mainchi mbalimbali bana ikanyanga. Lorsque les états puissants, wakati ile ma serikali ya uwezo, mainchi ya uwezo, veulent accomplir leur objectif dans un pays, anapenda kutimiza mapenzi yabo muinchi fulani, ils ne tiennent à aucun cas de loi nationale. Aveshimia tamara moja ku sheria ya ile inchi wanapenda kukanyanga kumiguu. Ils ne peuvent même pas respecter la constitution nationale. Hawawezi kuheshimia ta sheria ya ile inchi. C'est un signe très fort. Hii ni alama ya nguvu kabisa. Parce que Satan est en train d'apprêter le terrain. Kwani shetani yuko natayarisha kiwanza yake. L'autre clé, c'est l'économie et la monnaie. Mfungulo ingine ni uchumi na fedha. Parce que pour manger, kwani pakula, pour acheter chaque jour, pakuuza na kuzisha kila siku, il faut avoir la monnaie. Inapashu kuwe na fedha. Et lorsque vous observez dans la politique commerciale, économique, mkiangalia ta siasa ya uchumi wala ya kibiashara, l'économie nationale, uchumi ya inchi, n'est plus entre les mains des nationaux. Aina tena mubakaji ya inchi. C'est entre les mains des multinationales. Inakuwa mu mikono ya wenye kuwa na fedha ulimwenguni mzima watu bakubwa ba uwezo. Les nationalistes, bapenda inchi yabo, aujourd'hui sont méprisés. Leo hii banabeuliwa. Les nationaux sont persécutés. Batu benye kupenda inchi yabo leo banateseka. Ils sont exclus. Banabatosha. On ne veut pas des gens qui sont des nationalistes à la tête d'un pays. Abapende, abataki kusikia bantu benye kupenda inchi yabo bapate kuongoza inchi yabo. Hapana. Remarquez dans notre pays. Tazameni kwanza muinchi yetu. Aujourd'hui le dollar. Leo hii fedha ya dola Amerika. Et la monnaie la plus utilisée. Jo inakuwa fedha ile wanatumia zaidi muinchi yetu. Qui a plus de valeur que même notre monnaie. Jo ikuna bei kushindia hata fedha yetu. Regardez l'économie de notre pays. Tazameni uchumi ya inchi yetu. C'est entièrement entre les mains des étrangers. Iko kabisa kabisa mikono ya batu bakeni ba sipo kwa wananchi. Les multinationales. Batu ba nguvu ba uwezo wenye kuwa na mafedha ulimwenguni mzima. Ceux qui pillent le pays. Ndipo njo beko na poa mali ya nchi. Pour fortifier leurs économies. Jua kutia nguvu mauchumi yabo. Si un président. Kama raisi. Un gouvernement, wala mkubwa wa serikali, ose seulement de s'attaquer aux multinationales, akipima tu kusema sauti kwa wenye kwa le président et son gouvernement tomberont. Araisi na serikali yake yenyewe itanguka chini. Les canons seront pointés dans ce pays-là. Manake batashonta vidole na mabunduki tangalia mwile nchi. Lorsque un pays veut s'occuper de lui-même, wakati nchi napenda kujieneza yayo yenyewe, et refuser l'influence mondiale, na kukatala ufuto ya ulimwengu mzima, même à l'ONU n'a pas le droit de parole. Hata mbele ya ONU hawezi kuwa na cha kusema. Une guerre va s'élever. Vita mwa fulani italamuka mwile nchi. Qu'est-ce que c'est? Ni nini ile? C'est Satan. Ule ni shetani anafanya kazi. Il faut que les faibles se soumettent aux puissants. Inapashi bazaifu bapate kuditishi mbele ya benye kuwa na uwezo. Et leur économie doit être entre les mains des puissants. Na uchumi yao itakuwa mikono ya wale benye kuwa na uwezo ulimwenguni. C'est ainsi que les pays, les présidents des pays faibles deviennent des marionnettes. Ndio kwa maana ba raisi ba mainchi mazaifu banakuwa tu ba kufuata mkongo ya benye kuwa na uwezo. Juu wapate kubakia madarakani. Il faut accepter les injonctions. Inapashi basikie masharti. Qui viennent des grandes puissances. Ya kutokea kwa mainchi ya nguvu ya benye kuwa na uwezo. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Ce sont les préparatifs. Ile yote ni matayarisho matengenezo. De l'autorité mondiale. Ya mamlaka ya ulimwengu mzima. Qui va être exercé par Satan qui se prépare. Il est tatumikishwa na shetani yenye kujitayarisha. Il y a l'église, l'église et la religion. Huko makanisa na madini. Comme Satan sait. Sawa vile shetani anajua. Que tout le monde a la soif d'adorer. Ya kwamba mtu wote anaitaiko na kiu ya kuabudu. Il utilise maintenant les églises, la religion. Sasa anatumikisha makanisa wala madini pour préparer ce gouvernement. Jia kutayarisha ile serikali yake ya ulimwengu mzima. Parce que Satan sait. Kwani shetani yeye anajua. Que les églises renferment beaucoup de gens. Ya kwamba kanisa iko na watu mingi. Observez ces trois choses, c'est très important. Tazameni bibi tubitatu ni bia mafaa kabisa. Le pouvoir politique. Uwezo ya kisiasa. Et le gouvernement ou les états. Na maserikali wala mainchi. Le pouvoir économique ou monétaire. Uwezo ya uchumi wala ya kifedha. Les églises et la religion. Makanisa na madini. Sont les trois clés. Ni mafunguo tatu. Que Satan va utiliser. Le shetani atatumia. Pour accomplir son plan. Jua kutimiza mapu yake. Et pour exercer. Na jua kutumikisha. Son autorité mondiale. Mamlaka yake ya ulimwengu mzima. Aujourd'hui. Leo hii. Satan est en train de préparer Shetani yako na tayarisha la venue de l'Antichrist. Kuja kwa mpinga Kristo. Et son adoration sur toute la terre. Na kumwabudu kwa ulimwengu mzima. Aujourd'hui, leo hii, Satan est en train de préparer Shetani yako na tayarisha la venue de l'Antichrist. Kuja kwa huyu mpinga Kristo. Et son adoration na mabudu yake sur toute la terre. Pa dunia mzima. Mais comment Satan le fait-il? Sasa Shetani anaifanya namna gani? Comment Satan prépare-t-il Shetani anaitaisha la venue de l'Antichrist, kuja kwa mpinga Kristo, et son adoration sur toute la terre. Na mabudu yake pa dunia mzima. Retenez ceci. Mushike hii. Depuis déjà longtemps. Tangia zamani. Cette société secrète, magique et occulte. Hii kampuni ya siri na ya uchawi ya kimajende. Qu'on appelle le franc-maçon. Ile wanaita uflamason. Depuis longtemps. Tangia zamani. Quand les gens dormaient. Wakati watu walikuwa na lala. Cette société company, secrète magique ya siri, ya kiuchawi, et occulte ya kiuchawi, qu'on appelle les francs-maçons wanaita uflamason, était déjà allié à l'église catholique. Ilikuwa neshaungana katangia zamani na ikanisa katoliki. Et dans beaucoup de mouvements de réveil. Na ma movement mingi ya uamsho. Satan travaille dans le temps. Shetani yako natumika mwakati. Il peut travailler pendant un siècle. Anaweza kutumika pour apprêter ya miaka mia juu kutayarisha son plan mapu yake avant de l'accomplir. Mbele ya yeye kuitimiza. Et c'est depuis longtemps na nitangia zamani que la franc-maçonnerie joy ou flamason est alliée à l'église de Rome ilijunga na ikanisa ya Kiroma et dans beaucoup de mouvements de réveil na ma movement mingi ya mauamsho. Là où les gens affluaient mafazi pale watu walikuwa naongezeka pour chercher un soulagement spirituel ya kutafuta msaada ya kiroho, chercher une bénédiction matérielle kutafuta baraka ya kimwili. Satan s'infiltre, shetani alikuwa anajiingiza mule. Le mouvement tel que ma movement sawa. La troisième Pentecôte. Pentecôte ya tatu, Pentecôte ya tatu. C'est un mouvement de réveil. Ini mouvement ya wamsho. Qui est suscité sous l'impulsion de Satan. Ile na la musha chini ya ongozi ya shetani. Même le mouvement des hommes d'affaires chrétiens. Ata mouvement ya bafanya biashara baki Kristo. Au début, ce mouvement semblait être bon. Kumanjo kule mouvement ilionekana sawa iko ya mzuri. Où les hommes d'affaires allaient? Mule bafanya biashara walikuwa naenda. Dans ces réunions pour donner leur témoignage sur ce que Dieu avait fait pour eux dans leurs sociétés. Mama mikusaniko yabo juu kuleta ushuhuda. Dans leurs activités. Ile Mungu alibafania mu makazi yabo. Même au temps de Frère Branham, hata mwakati ya ndugu Branham, Frère Branham voulait souvent aller apporter la parole. Ndugu Branham alipenda kila mara kwenda kuhubiri neno la Mungu. Parce qu'il laissait apporter la parole. Pardon? Il le laissait. Kwani alikuwa na waacha. Barianza kumwacha, wana kumuchikia, ahubiri katikati yao. On l'a accepté qu'il aille prêcher parmi eux. Et lui qui était à la recherche des âmes perdues, c'était une occasion pour apporter la vérité à ces gens afin que les élus soient sauvés. Wateule wapate kokolewa. Mais en dessous, alakini chini chini kule, ce mouvement était attaché au culte magique. Kudini ya uchawi. Uvaye. Munaona. Il y a des mouvements tels qu'on appelle. Kuma mouvement sawa ile weko naita. La puissance de Toronto. Uwezo ya Toronto. Ce sont des choses qui se sont répandues partout ici. Nibitu bile mina zambaza fazi yote. où les gens vont dans ces réveils, mule batu beko naenda, ce sont des réveils, muile wanaita sawa vile amsho, on leur impose des mains, wanawawekea mikono, sous prétexte qu'ils recevront le Saint-Esprit. Mukuzanie ya kwamba watapokea Roho Mtakatifu. Ce n'est pas du nouveau. Abina biasasa, abina bipia. On l'appelait la bénédiction de Toronto. Balikuwa naita baraka ya Toronto. Quiconque voudrait expérimenter le Saint-Esprit, yeyote ulanipenda apate kuonja Roho Mtakatifu, d'où qu'il venait, hata kama anatokea fazi gani, on lui a posé les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Balikwana, ce faux Saint-Esprit. Balikuwa namuwekea mikono juu apate kupokea ile Roho Mtakatifu ya bongo. Cela était accompagné par ces mouvements charismatiques. Ile irongosiwa na hii movement ya charismatique. Qui a envahi même les églises catholiques. Ile ilitawala zama kanisa katoliki. Cette société secrète. Ile company ya Siri était attachée à ce mouvement. Ilikuwa yenye kuungana na hii movement. Aujourd'hui, quand je vois ces démons venir même à Kambov, Léoui, wakati niku naona ima démona inafika ata umu Mkambov, les gens qui n'ont jamais vu cela, qui ne connaissent pas cela, batu bale awaya onaka hii na bila kuijua, pense que c'est du nouveau. Bana wazia sema ni ya sasa, ni mupia. La Bible avait déjà dit, Biblia yo ilikuwa nisha sema, toutes les tables sont pleines de vomissements. Ma meza yote inayala na vitapikio. Ma bichi ya maubiri yote. Ah, toutes les chairs de prédication sont pleines de vomissures. Et ces faux prédicateurs, na baba ubiri wa bongo, ils vont dans la Bible, wanaenda Biblia, ils prennent un peu ici, wanachukua kidogo pale, un peu là, kidogo pale, un peu ici, kidogo hapa, un peu là, kidogo pale. C'est Satan qui voile les yeux des gens avec quelques versets bibliques pour accomplir son plan. Anafunika macho ya batu na ma mistari kidogo ya Biblia juu ya kutimiza mapu yake. Frère Frank en parle même dans sa lettre circulaire de 1995. Ndugu Frank anaitolea mubarua yake ya kuzunguka ya 1995 ya mwezi ya tano. Le numéro 44. Namba yayo ni 44. À la page 16. Kartasi ya 16. Vous pouvez aller jusqu'à la page 19. Munaweza kufika kartasi ya 19. Et ces hommes qui ont amené ce mouvement, na wa watu wale walileta hii movementi, sont des évangélistes d'Hollywood. Ni bapasha habari njema bakule ku Hollywood. Vous voyez, munaona, je vous lis une portion ici. Namisomea sehemu ya ndugu Frank. On parle. Wakonasema. Et écrit aussi avec enthousiasme. Na wananjika na rika makama yote. Des conférences enflammées. Ma mikusaniko ya kuwaka moto. Mais Dieu n'est visiblement pas davantage dans les feux. Lakini Mungu haonekani kabisa kabisa mumoto. Mungu ashikalake paka mumoto. Dieu n'est jamais dans les flammes, dans le feu. Il n'est pas à la disposition des hommes. Mungu hana mbele ya bantu. Mais il accomplit toutes choses conformément à sa parole. Alakini yako natimiza kila kitu kufuatana na neno lake. Donc ce qui n'arrive pas conformément à sa parole ne provient pas de Dieu. Manake kitu kyote kiasipo kwa kile kiko nafika kiasipo kuambatana na neno la Mungu akitokee kwa Mungu. Les charismatiques. Ki charismatique. Y compris les gens de la dite bénédiction de Toronto n'est presque Toronto. Pas la repentance biblique ni la conversion. Pas plus qui ne pratique le baptême biblique ou la Sainte Cène biblique du Seigneur. Tena aba tumie ubatizo na meza ya Bwana ya kibiblia ya Bwana. Vous observez la vie. Mukiangalishisha maisha. De tous ces gens qui embrassent le réveil. Yaba bantu bote banakumbatia maamsho. Qui cherchent des miracles. Wale wanatafuta miujiza. Qui veulent voir de la magie. Wale wanapenda waone magie. Ce sont des gens inconvertis dont leur vie n'est pas correcte vis-à-vis de la parole. Ce sont seulement des païens qui sont incapables de vivre la parole de Dieu. Ils sont menteurs, adultère, voleur, bezi. Ils mènent toutes sortes de vies naishi, maisha yote yote hii, comme des petits diables. Wa shetani kidogo. Mais néanmoins, ata vile, ils veulent voir wanapenda baone, la puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu yonekane. Les doctrines fondamentales de l'Église du Nouveau Testament. Mafundisho ya msingi ya kanisa ya Agano Jipya n'ont pas une seule fois été inclus dans leur prédication. Kamwe aionekane mu mahubiri yabo. Il se trouve tout à fait en dehors de la parole. Wanapatikana beko tu nje kabisa kabisa ya neno la Mungu. On impose les mains à n'importe quelle personne afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Est-ce là, sans auparavant une prédication sur Jésus crucifié ne soit apportée? Bila kwanza kuhubiri Yesu Kristo mwenye kusulubishwa. Et que s'en suive une conversion à lui. Na bila yeye kugeuka. Selon leur clair témoignage des Écritures, ce sont ces personnes-là qui se présentent comme les joints du temps de la fin. Ce sont eux les faux Christ. Ils prophétisent, chassent des démons, accomplissent des fois de grandes choses. Mais c'est précisément à eux que le Seigneur dira: retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. De telles personnes peuvent sans autres être assimilés aux vendeurs auxquels sont envoyés ceux qui n'entreront pas au repas du Seigneur. Comprenez? De telles personnes peuvent sans être assimilés aux vendeurs auxquels sont envoyés ceux qui n'entreront pas au repas de noces. Ah. Ces gens, ces personnes Ababantu. Qui pratiquent ces histoires, kutumia madini. Ils sont associés Manabachanga. Aux vendeurs Mabale bauzishaji. Dans la parabole des 10 vierges Mwile fumbo ya ba bikira kumi. Qui n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur lampe. Bale bakwena mafuta muta yabo. À qui le maître avait dit: vale buwana aliambiaka, allez chercher à ceux qui en vendent. Ya kwamba mwende mukatafute mafuta. Lorsqu'ils sont allés chercher de l'huile, balienda kutafuta mafuta, le pou est arrivé. Buwana arusi alikuja. Voyez, et l'épouse entra en os. Na bibi arusi akengia naye. En d'autres termes, namuna ingine ya kusema, ce sont ces gens ni vale bantu qui n'ont pas réellement le Saint-Esprit, vale akika, vana mais qui vendent un faux Saint-Esprit aux gens. Jove kuna uzisha Rom takatifu ya bongo. Le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. Rom takatifu, abayiuzake na kuyuzisha. Non, frère. Apana ntuku mpeji. C'est lui qui baptise les gens du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ule kuna baptize bantu na Rom takatifu, ni Yesu Christo. Jésus-Christ. Na Yesu Christo. Baptise baptise du Saint-Esprit conformément à sa parole. Kufuatana na neno lake. En dehors de sa parole, nje ya neno lake, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Hakuna namna kubatizwa na Roho Mtakatifu. Voyez, munaona? Les gens vont là-bas. Watu beko nenda kule. Pour chercher cette bénédiction. Je kutafuta ile baraka. Regardez dans tout ce mouvement de réveil. Tazameni mwima movement yote ya uamsho. Vous remarquerez. Mutaona ya kwamba. Que l'accent est mis. Ya kwamba wanaweka mkazo. Mukazo yao wanashindilia zaidi pa pesa. Il y a même les gens qui vendent la bénédiction. Huko na watu wale beko nauzisha mabaraka. Regardez dans les dans vos YouTube. Mwangalie wa YouTube yenu. Regardez à la télé. Mwangalieni hata kwa television. Il y a des gens qui vendent la bénédiction. Huko watu wale beko nauzisha à 10 dollars, 5 dollars, 10 dollars, 5 dollars, 50 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars ya baraka. Ce sont des démons. Nima demona. Il y a les gens comme les vaudous. Kukubatu sao banaita ba vaudou. C'est une religion à ministre. Manaki ni ce sont les gens qui se disent. Ni watu wanajita. Ils sont chrétiens. Bao ni ba Kristo. Mais ils vivent comme des démons. Alakini beko naishi sawa mademona. Leur doctrine. Mafundisho yabo ya msingi. Est entièrement mêlé inachanganika kabisa aux traditions humaines na mabisela ya watu ma tabia ya watu et on l'attache un peu de Bible mana, un peu de passage biblique manachanga mkidoko ya ma mistari ya Biblia. C'est un mouvement qui vient de l'Amérique. Ni mouvement inatokea kwa Amerika. Et même quand vous regardez les réveils d'aujourd'hui, même les églises d'aujourd'hui, sont des églises entièrement mêlées aux traditions humaines. Le christianisme est mêlé à toutes sortes de traditions et de coutumes des gens. C'est vrai, frère. C'est pourquoi Satan, dans le moment de réveil, mwakati ya wamsho, il apprête son plan. Eko natayarisha mapu yake. Dans les églises, muma kanisa, il introduit anaingizamo ce culte occulte. Ile maibada yake ya uchawi. Yangiza. Vous voyez? Munaona? Soit vous remarquerez aujourd'hui. Jukamana mutaona leo. Les jeunes gens, Babiana, les jeunes filles, Babinti, les hommes adultes, Batubakuba, sont mêlés à beaucoup de choses insensées. Bana jingiza vitu mingi ya, qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Yasipo kupatikana umandiko takatifu. C'est Satan. Ule ni Shetani. Satan a créé. Shetani a retunga. Le Conseil mondial des églises. Muungano wala mshauri ya makanisa ulimwenguni mzima. La banque du Vatican. Banki ya kule ku Vatican. Il y a beaucoup de protestants, de faux protestants qui se mêlent à cela. Wa mishoni ba mingi wanachanga mule. Il y a le mouvement qu'on appelle l'évangélisation 2000. Huku ma mouvement wanaita pasha habari njema watu 2000. Un mouvement évangélique. Mouvement ya kiinjili. Les groupes charismatiques, kundi ya wa charismatique, qui sont dans des cultes de sciences occultes, venyo patikana maibada ya uchawi ya ngiza. Et c'est Satan qui apprête le terrain. Na ule ni Shetani anatayarisha kiwanza yake. C'est pourquoi vous, jokomana mweye, qui attendez le Seigneur Jésus-Christ, venye kongoja Bwana Yesu Kristo, ne mettez pas votre pied n'importe où. Mushiganyange miguu yenu aizuru fazi gani hapana. Vous risquez, unawezi, de tomber dans les pieds de l'ennemi. Wanguka mumtego ya Shetani. Oui bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Les moyens de Satan, namna ya Shetani, utilisés pour atteindre son objectif dans le domaine spirituel, yeye kupata kifukuzi yake mambo ya kiroho. Il prône l'unité et qu'on a semé à Yulia umoja des églises, ya makanisa, la fraternité, unduku, des églises, bien qu'elles sont différentes doctrines, et à la tête de tout cela, il y a Rome. Il n'y a pas un âge, une période dans laquelle le prédicateur et les églises prêchent l'unité des églises comme aujourd'hui. Lorsqu'ils nous entendent dire que nous ne sommes pas dans ce mouvement-là, ils nous traitent des orgueilleux. Je vous donne un petit exemple. Regardez seulement ce qu'il y a eu au début de la crise de COVID-19. Toutes les églises de Cambodge se sont unis ensemble pour parler le même langage. Et même les prières étaient récitées à la radio. N'avez-vous pas vu cela? Mais bientôt ces choses-là vont s'établir. Et ils ont toujours leur tête. Rome. Pour atteindre cet objectif, Satan a utilisé aussi ses moyens spirituellement parlant. Il prêche l'unité de toutes les églises. Deuxièmement, il y a la musique. Aux États-Unis, on l'appelait rock. La musique religieuse. Pour atteindre les jeunes. Pour atteindre les jeunes. Regardez aujourd'hui, dans toutes les églises, la musique occupe une grande importance. C'est un drogue. Vous trouvez dans les églises un fumeur de chanvre. Quand il s'assoit sur les synthés, vous penserez que c'est un ange qui chante. Quand il prend la guitare, vous penserez que ça, ce sont les trompettes des anges. Quand il chante, il a une voix d'ange. Mais quand ils viennent vivre, ce sont des démons tout à fait. Et dans les églises, une musique très forte. Regardez tous ces gens qu'on appelle les musiciens religieux. Les églises aiment maintenant la musique populaire. Mais qui sont chantés au rythme de rock and roll. Au rythme de rock and roll. Et les jeunes gens aiment cela. Na babiana bana penda mimbo ya vile ya kuchemusha. Satan sait. Shetani anajua. Que même spirituellement parlant, hata mukiro, le réveil wamsho, commence par inanzaka des louanges. Na mimbo ya sifa. Mais regardez ce qu'ils chantent. Sasa tazameni binye bile weko na imba. Musikie bile weko na imba. Regardez leur vie. Mwangalie sasa maisha yabo. Vous comprendrez. Mutaelewa. Que ces hommes, ces jeunes gens, na babinti, ne sont pas au service de Dieu. Ils sont au service de Satan implante la musique mondaine. Mimbo ya kidunia. C'est pour atteindre les jeunes gens. La manifestation des faux esprits. sous forme de don, mwali ya mazawadi, de la puissance du Saint-Esprit, mwali ya uwezo ya Roho Mtakatifu, se manifeste partout. Ikunaonekana fazi yote. De fausses guérisons, mautunzo ya bongo, de faux miracles, miujiza ya bongo, dans de fausses doctrines, mumafundisho ya bongo. C'est vrai. Ni kweli. On laisse tomber. Wanatupa wala wanakatala. Les doctrines bibliques. Mafundisho ya msingi ya Biblia. Au profit de l'amour. Mufaida ya mapendo. Ils disent. Wanasema. L'amour unit. Oh, mapendo kunaunganisha. Quel mensonge. Bongo kanile mtupu. Ils essaient de mêler les chants mondains. Banapima kuchanga komimbo ya kidunia. Aux prières. Kumaombi. Et ils prêchent que tout le monde est sauvé. Ma bana ubiria kwamba batu bote waisha okolewa. Quand vous écoutez les dénominations. Mukisikia batu ya mazebu. Les groupes de réveil. Makundi ya bakuomba. L'église mère. Kanisa mama. Et ils disent que tous sont sauvés parce que Dieu les a sauvés par la grâce. Dieu ne peut pas regarder aux erreurs des gens. Il a déjà donné son fils unique. Il a versé son sang. Nous sommes sauvés par la grâce. Peu importe ce que nous faisons. C'est pour vous retrouver dans les églises. C'est un désordre total. Ni fujo kabisa kabisa. La parole de la sainteté n'est pas prêchée. Neno ya utakatifu abayubiri tena. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, c'est l'œuvre du diable. Ni kazi ya shetani. La musique forte. Mimbo ya nguvu ya sauti ya juu. Et une musique mondaine. Na mimbo ya kidunia. Un faux amour est prêché. Mapendo ya bongo banayubi. Pour unir ses pécheurs dans le mal. Ja kuunganisha wale watenda zambi mubaya. Ils font de fausses prières. Unaendelea maombi ya bongo. Vous voyez? Unaona? Ils font de faux prières, de fausses prières. Maombi ya bongo. Ils prêchent le salut. Banahubiri okovu. Où ils affirment que tout le monde est sauvé. Mulewe sans qu'il ne soit sauvé. Mais on a kikisha ya kwamba mtu wote anaokolewa wala batu bote bataokolewa. Quel mensonge. Bongo kanile. L'espiritisme. Batu wakwamini mapepo mchafu. L'espiritisme. Kidini ya kwamini mapepo mchafu. Aujourd'hui. Leo. Est légalisé. Bana ikubali kuwa alali. Dans toutes les églises. Ma kanisa yote. Église protestante. Kanisa protestante. Église évangélique. Kanisa ki injili. Église pentecôtiste. Kanisa ki pentecôtiste. Les mouvements de réveil. Na mouvement ya wamsho. Dans l'église mère. Na kanisa nye mama. L'espiritisme. Waamini maro. Vous voyez. Unaona. Et maintenant légalisé. Sasa bana ikubali kuwa halali. Ils prêchent une raison, une religion sensationnelle. Bana ubiri madini ya kuche, ya mchemuko. Ils enseignent aux gens. Wanafundisha batu. De faire des expériences sensationnelles. Kufanya maonjo ya kuchemuka. Qui touche leur corps. Ya kugusa mili yabo. Leur esprit. Ya kugusa roho yabo. Et même leur âme. Na kugusa nafsi zao. C'est comme ça que Satan a résolu de toucher toutes les couches de la population mondiale par le spiritisme, des expériences sensationnelles. Satan dans les groupes de prières et dans les réunions charismatiques et dans d'autres réunions de réveil amène les gens à avoir plusieurs sensations dans leur corps sous forme du Saint-Esprit. Bien que cela soit entièrement contraire à la parole de Dieu. Ata vile bile biote biku kinyume na neno la Mungu. Voilà ce qui séduit beaucoup de gens. Ile nje kuna tongoza watu mingi. Satan, Shetani, a introduit, anaingiza, dans toutes les églises dénominationnelles, makanisa yote ya kizebu, et même certaines églises qui semblent croire le message, hata mu makanisa ingine ile inaonekana sana ina mjumbe, spiritisme, mambo ya maro ya kuamini maro, c'est vrai, bia kweli. Il est entré dans le groupe de prière. Alingia mukundi ya wakuomba. Dans les réunions charismatiques. Mwile makundi ya wakuomba. Il amène aux gens. Anasukuma bantu. D'avoir plusieurs sensations dans leur corps. Apate kwa na michemuko mingi mumwili. Sous forme du Saint-Esprit. Ali ya Roho Mtakatifu. Bien que tout cela. Ata vile bile biote. Soit contraire à la parole de Dieu. Ata kama biko kinyume ya neno la Mungu. Jo ile. Qui séduit beaucoup de gens. Jo ile natongoza watu mingi. Les gens sans connaissance de Dieu. Batu bila sans connaissance de la parole. Na ufamu wa neno la Mungu. Bila kufahamu. Ils veulent avoir. Anapenda bakuwe. Quelques sensations dans leur cœur. Chemuko fulani moyo. Quelques sensations dans leur esprit. Chemuko moyo fulani moyo. Quelques sensations dans leur corps. Bako na mchemuko mwa mwili. Sous prétexte. Kuzania ya kwamba. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Wanapokea Roho Mtakatifu. Et ils tombent. Na bananguka. Dans les pieds de l'ennemi. Mu mtego ya Shetani. C'est ainsi ni muina muna qu'il y a beaucoup de bruit de la musique. Jokukuma mimbo ya makelele mingi. Makelele ya mingi. Beaucoup de ya bruit musique, de la musique. Iko na kifukuzio. Ça un objectif. Ya kuchamusha bantu. D'exciter les gens. Kusudi wafungule maro yao. Afin qu'ils nous ouvrent leur esprit. Tu vas pas te moquer ma démon. Afin de recevoir les démons. Regarde ce qui se fait dans les sciences occultes. Mwangari ile nafanika mu dini ya uchawi ya giza. Chez les devins. Kwa bafumu. Pourquoi les devins ont des tam-tams? Jua nini bafumu wanekana na mangoma ya kupika? Pourquoi ils ont un groupe de chanteurs? Jua nini uko na kundi ya sérieux. Mufumu wa kudeshimia. Il a un groupe de chanteurs. Uko na kundi ya batu ya kumuimbia. Un groupe de chanteurs. Une kundi ya watu wa kumuimbia. Il a pour rôle. Beko na kazi. De chanter. Ya kuimba. Jusqu'à à toucher l'esprit. Na pale batagusa roho. Tu devais. Ya ule mufumu. Afin que ce dernier. Ili uyu mufumu. Ouvre largement son cœur. Ule moyo wake. Pour que les esprits. Ya mapepo mchafu. Ma demona. Viennent habiter dans son cœur. Apate kuingia mu moyo wake. Pour commencer la divination. Ya pande apate kwanza kulakusha. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Diakweli dada. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Je le tukuna ona leo inafanyika kwa makanisa. Bien que cela soit contraire à la parole de Atta Dieu. Kinyume na neno la comme les gens. Sawa vile bantu. Veulent sentir dans leur corps. Anapenda basiki. Dans leur esprit. Mumoyo. Quelque chose. Kitu fulani. Un peu d'ordinaire. D'extraordinaire. Kuachana na vitu vya kawaida. Ils ouvrent leur cœur. Mioyo yabo. O démon. Wanamfungulia moyo mademona. Ils entrent en transe. Wanaingia katika uchemuko. Ya kupatana na maro. Être en transe. Kuingia mchemuko ya kupatana na maro. C'est être dans un état. Manake ni kufika mwali. Où on est hors de soi. Mule unajipoteza una tena ujisikie tena. On essaie un peu de s'oublier. Unapima kujisahau. Ou d'oublier son état malheureux. Wala kusahau hali yako ya bunyonge ya mateso. Ou son état de pauvreté. Wala hali yako ya mateso ya bumaskini. Les gens arrivent en transe comment? Bantu wanafikaka mwile hali ya kuchemuka. C'est sous l'effet. Ni chini ya uvuto. D'une forte musique. Ya mimbo ya juu. Vous voyez? Munaona? Quand vous écoutez un prédicateur dire, ouvrez largement votre cœur, videz votre esprit. Avez-vous déjà entendu cela? Quand vous entendez un prédicateur dire, videz votre esprit, vous recevrez le Saint-Esprit, c'est un démoniaque. Wa madémona. C'est un démoniaque. Et les gens aiment cela. Ils veulent expérimenter quelque chose qui est hors du commun. C'est ainsi que les gens, sous l'effet, voyez, de la musique, ya mimbo, sous l'effet, des fausses prières, bongo, vous voyez, munaona, ils entrent en transe, ils expérimentent des convulsions, kuchemuka, vous voyez, munaona, des agitations violentes, sous l'impulsion des démons, chini ya ongozi ya mademona, ils entrent en extase, vous voyez, munaona, il se trouve dans un état où leur esprit est transporté hors de soi. Yake inabebewa inenda inje yake. Ce sont des démons. Ni mademona. C'est Satan qui fait cela. Ule ni shetani njue konafanya vile. Dans toutes les églises de réveil. Muma kanisa yote ya uamsho. Ils conduisent les gens bekonaongoza watu au trans. Bapite, bafike mukimo akuchemuka kupatana na maroho. Vous voyez? Munaona. Quand les démons entrent, wakati mademona inaingia, les démons les jettent par terre. Demona inawatupa chini. Il fait quelques convulsions. Banapima ko kutetemeka. Il ressent quelque chose dans son cœur. Il s'oublie un peu. Et il essaie de parler en langue. La langue des démons. Et il se réveille et dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, mtakatifu. Les démons religieux sont les démons les plus subtils. Les plus rusés. Mjanja kabisa. C'est vrai, frère. Ni kweli ntuku. C'est ce que vous voyez les gens dire. Joko mana, mutaona batu wanasema. C'est le Saint-Esprit parce qu'il a il est entré en transe. Naripoke ya Roho Mtakatifu juu alichemuka. C'est le Saint-Esprit. Naripoke ya Roho Mtakatifu. Parce qu'il a convulsé. Wani alitetemeka. Les gens se tordent. Ils tombent par terre. Ils sont agités par les démons. Vous voyez? Les démons sont des esprits. Je l'avais déjà expliqué dans la démonologie. Moi, j'avais un grand-père de vin. Les gens de Kabongo savent, c'est lui qu'on appelle Bwana Budjie. Bwana Budjie, c'est un grand devin. Bwana Budjie, j'ai eu l'occasion de vivre à côté de lui. J'ai eu l'occasion de chanter pour lui. J'ai eu l'occasion même de goûter les kaolins qui se trouvaient dans son panier. J'ai eu l'occasion de voir comment les esprits descendent. Nous le savons. Tout ce que ces gens appellent le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la manifestation des démons. On chante de tam-tam. On glorifie son Dieu et là son idole. Voilà comment le grand-père entrait en transe. Vous commencez par chanter. On chante, on chante. On glorifie son idole. Après glorifier son idole, lui entre maintenant en transe. Quand il entre en transe, les démons descendent en lui. Il commence à parler dans les langues inconnues. Sa femme aussi, mke wake naye, qui était une prophétesse, entre aussi en transe. Lui parle en langue, sa femme interprète, mke wake et vous dites ce que les démons ont dit. Bile c'est ce qui embrouille les gens. Watu. Comme je le disais dans les jours passés, siku ilipita, dans la sorcellerie, Mouchawi, dans la magie, Mumaji, les domaines qui touchent les gens, c'est où il fait intervenir les démons, les esprits. Quand on dit les esprits, ce sont les démons sont des anges que Lucifer avait séduits, qui sont maintenant gagnés pour sa cause, Sasa, et qui travaillent pour le compte du diable. Na wanazo mutumikia shetani. Et quand quelqu'un vous dit qu'il a expérimenté quelque chose, effectivement, il a expérimenté quelque chose, kitu mais fulani, l'expérience n'est pas véritable, l'expérience est démoniaque. Ni ya kidemona, ya kishetani. Dans la démonologie, je vous expliquais que l'expérience qu'un véritable croyant fait vis-à-vis de la part du Saint-Esprit sont presque similaires. Parce que l'homme veut sentir quelque chose de surnaturel. Quelque chose de spirituel dans son corps. C'est ainsi que les gens tombent dans les fous. C'est pourquoi vous voyez Frère Branham, ne cesse d'insister, tout ce qui est contraire à la Bible, tout ce qui est contraire aux Écritures, est démoniaque. N'y touchez pas, vous recevrez les démons. Muta poke ya mademona mapepo mchafu. Moi j'ai compris que Dieu m'a quitté là. Mina elewa kwamba Mungu alinitosha pale. Ni neema. C'est une grâce. Ni neema. Moi j'ai dormi avec un devin. Nina alikuwa nalala pembeni ya mfumu. Qui était mon beau frère qu'on appelait Makayos. Ule alikuwa shemeki yangu alikuwa anamuita Makayos. Quand vous allez poser les anciens, posez la question, uliza kwa watu wa zamani. Aux gens qui ont existé dans les années 70. Wale waliishi miaka ils vous diront, c'était mon beau frère qui dormait dans mon lit. Ni shemeki yangu. On dormait avec lui ensemble. Tulikuwa nalala naye fazi moja na kula. Cet homme là on le connaît. Ile mambo mchawi naijua. Quand on voit des gens, ils disent, il a reçu le Saint-Esprit. On n'a pas de Saint-Esprit, on est à couler dans la bandoumbe. Le Saint-Esprit, mais tu continues à aller coucher les femmes. On est fini à voir le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit que tu as reçu? On n'a pas de Saint-Esprit, bongo. Tu reçois le Saint-Esprit, Satan. Mais tu continues à mentir comme le diable. On a quatre qu'on a frère à ce moment-là, il est gentil. Quand on a ce moment-là, un kobongo sana. Mais qu'on a Saint-Esprit. Il est trop menteur. Quel Saint-Esprit il a reçu? On n'a pas de Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit à Christ. Mais tu n'as pas la nature de Christ. C'est ainsi que beaucoup de gens tombent dans les pieds du diable. Frère, Nduku, ma sœur, Dadayango, soyez obéissants aux enseignements de la Bible. La Biblia, vous recevrez le véritable Saint-Esprit qui changera ta nature et qui te donnera celle de Christ. Ile tokupatia asili ya Kristo. Le Saint-Esprit est réel. Il est véritable. Mais il marche avec la parole de Alakini Dieu. Dans l'église, n'imite personne. Mwali ya mazawadi. Et Les dons que tous les défunts de l'église parler en langue ou de prophétiser ou d'avoir des visions. Parce que Satan sait que Dieu vient te prendre ton appel. Parce que Satan sait que c'est ce que les gens aiment. Il n'y a aucune prophétie. Il t'a ouvert Kupita. Qui peut dépasser la Bible. La parole de Dieu. La véritable parole de Dieu. Ni prophétie munene sana. C'est une très grande prophétie. Dans la vie de chacun de nous. Ah, on a besoin. Tu n'as pas besoin. De quoi muntu. D'aller consulter quelqu'un. Pour qu'il puisse un peu. Diviner dans ce qui ne va pas dans ta vie. Tu es malade de faire ça. Tu ne connais pas Dieu. Ah, umuju wa Mungu. Unaona ndugu mpendwa. Satan hawezi kwenda kukuitia mbintu vya bongo. Satan ne peut pas t'appeler dans des fausses choses. Imagine vous un peu moi, c'est Dieu aille voir les prêtres pour nous dire que allez dire à Ngoï mon serviteur. Même Dieu lui-même sait que Ngoï ne peut pas accepter ce que les prêtres vont lui dire. Les gens sur qui nous parlons, une femme était venue là chez moi. Une femme était venue là chez moi. Elle me dit que Dieu m'a envoyé chez vous que j'ai votre message. Je lui ai dit, venez, je vais t'imposer des mains. Tu as des démons. Quand est-ce que Dieu t'a envoyé chez moi, toi? Mais elle a fui. Ali Kimbia. Je ne l'ai jamais vu. Nisi à Mona Katina. Il a changé comme un frère. Je m'étonne des frères. Kupenda kuombea ombea ombeo. Je veux qu'on puisse prier sur eux n'importe où et n'importe quand. Vous allez recevoir des démons. Chaque enseignement, des démons. Derrière chaque enseignement, il y a un démon, il y a des démons. Ces démons-là, ça inspire cet enseignement, ça donne la compréhension à quelqu'un et les diriger de cette manière-là. Ce sont ces démons-là que toi aussi tu vas recevoir. Mais le Saint-Esprit dirige la parole. Aujourd'hui, les gens veulent avoir une super foi. Onction spéciale. C'est l'imitation seulement de Jésus. Il est bintu ya Mungu. Quittez ces choses là-bas. Fuyez loin de ces choses. Mukimbie mwende mbali na bile bitu. C'est vrai frère. Bien kweli nduku. Quand Dieu me donnera une autre occasion. Wakati Mungu atanipatia wakati mwingine. Tasemeaka. Sur qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Yulu ya Roho Mtakatifu ni nini? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Je nini Roho Mtakatifu alileta? Na namna kani ya kupatia Roho Mtakatifu? Lorsque je prendrai la chair. Wakati nitachukua tena mimi. Si kama ni mapenzi ya Mungu. C'est dans ce domaine ici. Ni mui mambo ya hivi. Satan. Le Shetani. Beaucoup de gens. Anafurusha batu mingi. Même aujourd'hui, l'église catholique. Ju ataleo kanisa katoliki. Qui ne croyait pas au don. Il a ekwamini mazawadi. Dans les années 60, même 70. Mamiaka ma 60-70. Nous étions dans l'église catholique. Sisi tuko mu kanisa katoliki. Quelqu'un qui prophétisait. Mutu larkuwa na tabiri. Quelqu'un qui parlait à l'ange. Mutu larkuwa na sema muruga. Était taxé de sorcier. Larkuwa na muita sima kumulozi. C'était la période pendant laquelle les pentecôtistes étaient véritables. Ils avaient des véritables dons. Les catholiques ne permettaient jamais que quelqu'un parle en langue, que quelqu'un prophétise. Même la prière ici pour les malades, les catholiques n'acceptaient pas ça. Il préférait qu'il aille chez les devins, chez son prêtre, qu'il aspire sur lui l'eau bénite. C'est ce que les catholiques faisaient. Mais aujourd'hui, l'église catholique avec les mouvements charismatiques ont déjà accepté les dons, ont déjà accepté la guérison, les miracles, ont déjà accepté. Aujourd'hui, les catholiques sont à la recherche des miracles. C'est quoi ça? C'est l'œuvre de Satan. Pour maintenant, unir les cœurs dans l'ekuménisme. Batu batpati kwa katika muungano ya makanisa ulimwengoni mzima. Frère Branham ne disait pas. Eti ndugu Branham asikwenda sema. peu importe l'expérience que tu peux faire. Ya kwamba aizuru maonjo ile unaweza kufanya. Peu importe. Aizuru kwa ya namna gani ile usikia mumini. Dans ton esprit. Ile usikia muroho. Consulte l'écriture. Ulize kwanza maandiko yule vile unafanya. Basana maandiko vile unafanya ulize maandiko. Observe votre vie. Na uangalishishe kisha maisha yako. Après cette expérience. Kisha wewe kufanya ile baonjo angalia maisha yako itakuwa namna gani. Mais les gens ne sont pas attentifs. Batu wabateke sikio awangalishishe. Satan travaille. Shetani yako natumika. Kama wewe uko nalala bushingishi. Kitu tu dors. Ushiwaje sema Satan aya nalala bushingishi. Ne crois pas que Satan aussi est distrait. Dans domaine yote. Dans tous les domaines. Domaine politique. Domaine akisiasa. Domaine économique. Domaine ya uchumi. Domaine religieux. Domaine ya kidini. Satan est à l'œuvre. Shetani yako natumika. Pour préparer le terrain. Afin que l'antichrist vienne dominer le monde entier. Apate kwa kutawala ulimwengu mzima. C'est ça le travail de Satan. Il n'y a pas de Satan. Et qu'on a fait un imasikoui. Ce qu'il fait maintenant tous ces jours ici. Restez dans la parole. Mubakie ndani ya neno la Mungu. Apana kwanza kuchamuka changumuka. Il ne faut pas chercher à être excité à tout moment là. Utapata na mademons. Tu vas recevoir des démons. Mumulize pasteur Kazumba na pasteur Aaron. Posez la question au pasteur Kazumba ainsi qu'au pasteur Aaron. Dans les années 87. Mamiaka 87. Il y avait une sœur dans l'église. Pourquoi dada moi mukanisa? J'ai donné cette témoignage pour terminer. Mina ushuda juu ya kumaliza. Il y avait une sœur dans l'église. Pourquoi dada moi mukanisa? Vraiment une inconvertie. Dada wasipo kuamini wasipo ugeuka. Mais qui voulait donner l'apparence? Alipenda konekanisha. Comme quelqu'un de spirituel. Sawa mutu aonekane sawa mutu wa kiroho. Lorsque on entrait en prière, wakati tulikuwa naomba maombi, elle faisait des cris, alikuwa analalamika, elle manifestait des histoires comme la manifestation du Saint-Esprit. Alikuwa anaonekanisha kuonekana sawa ni Roho Mtakatifu mchemko. Nous étions dans un jeûne. Siku moja tulikuwa mafungo maombi ya kufunga ya mafungo mkanisa. Et la sœur avait manifesté cela. Na dada alionekanisha ile mchemko. Et longtemps on a observé pendant la prière. Tulimwangalisha muda mrefu maombi. Alors j'ai dit au frère, non ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Nikamwambia bantu kwa sema hii mamchemko haina Roho Mtakatifu ni mademo. Hakika ilikuwa ni kutambua kuzuri kwa roho. Nous sommes approchés pour demander aux démons. Tulimkaribia juu kuuliza ile mademona. Pourquoi toi tu es entré dans ce cercle? Je a nini wewe uliingia ndani ya udada? Ule dada alikuwa kama anashirikia mtu. Na sœur là dès qu'elle se met en colère contre quelqu'un. Ce sont des gens qui avaient des colères mais comme celles-là. Ils manifestent un peu des choses à manger, qui ressemblent aux dons. Aranzo kone kanisha, ma mchemuko sa yenye kufanana na mchemuka. Une véritable rancunière. Mutu wa kuchungiana kasirani sana. Alikuwa anachungiana kasirani sana. On a posé la question aux démons. Turuulize ile mapepo mchafu kwa ndani yake. Munaingia moje. Comment est-ce que vous êtes entré dans cette sœur? Fais semblant d'être spirituel. Comme elle aime être excitée à tout moment. Pourquoi nous avons trouvé de la place et entré en elle. Nous nous sommes assis. Puisque c'est ce qu'elle a toujours aimé. Et pour chasser ces démons. Sans avoir coûté des yeux à la tête. Il est tout l'homme d'un rêve, vraiment tout choc. Vous me chassez où irais-je, mais c'est lui qui m'aime. Même si c'est elle qui t'aime, son corps n'est pas à elle, le corps est à Jésus-Christ. Tu dois nécessairement quitter. Vous voyez bien, mes frères. Si tu n'as rien, tu n'as rien, marcher dans la voie de la parole, dans l'obéissance de la parole, pour recevoir la véritable chose. Pourquoi toujours l'habitude dit, pourquoi recevoir quelque chose de faux pendant que le ciel est rempli de vrai? Pourquoi? Le véritable Saint-Esprit est là. Pourquoi courir dans les réveils? Pourquoi courir dans les dénominations? Nous sommes là pour recevoir, pour chercher le Saint-Esprit. Usiku, juu ya kwenda kutafuta Roho Mtakatifu. Juu ya nini? Faut banama tout expliquer. Donc banama ni facilia yote. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit sans sensation? Mtu anaweza kupokea Roho Mtakatifu bila kuwa na mchemko? C'est l'un des mystères. Ni mmoja wa siri. Il est révélé. Il est mfunuliwa. Dans cet état de la Odyssée. Oui, kizazi ya Laodikia. Quelqu'un il a reçu le Saint-Esprit. Alipokea Roho Mtakatifu. Sans aucune manifestation, bila konekanisha, bila kusema mruga, sans sensation, bila mchemuko, mais lakini, dans son cœur, moyo wake, il y a le respect profond et une obéissance totale à la parole de Dieu. Neno la Mungu. Il a la compréhension juste de la parole. Et on a kuelewa kwenye kueneana kwa neno la Mungu. Le Saint-Esprit là. Mpokee ule Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit de la Bible. Roho Mtakatifu wa Biblia. Celui qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Wa kutokea kwa Bwana Yesu Kristo. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Pano unaenda mkanisa, oh, unijaze, oh, rampimo, rampimo. On va te remplir quoi pendant que tu n'as rien. Tu es un converti. Tu vis dans le péché. On appelle la kujaze. Tu veux qu'on te remplisse. Un homme non repenti. Une femme non repentie. Quand elle demande le Saint-Esprit, elle recevra les démons. C'est tout. Kunaishi. Le Saint-Esprit vient, si les gens répandent, les gens obéissant, qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la sainteté, le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. C'est pourquoi, dire très attention. Voyez bien mes frères, voyez bien mes sœurs, toute expérience dans le spirituel, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, qui en est l'auteur, il y a des démons. Quelqu'un qui est dans une division, la Bible dit, quand quelqu'un quitte l'église, quelqu'un abandonne l'église, il est déjà en dehors du sang. Quand quelqu'un se détache du corps principal, il s'est ôté lui-même du sang. Quelqu'un en dehors du sang, il peut avoir le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que celui qui a des oreilles entende. Mwenye kwa na masikio asikie. Lève-nous pour la prière. Simame juu ya maombi. Attendez la vraie chose. Muchunge kitu kya bya kweli. Jusqu'à ce que Dieu la révèle en vous. Fika na pale Mungu atakifunua ndani yako. Ce que Dieu fait. Ile Mungu anapenda. Est conforme à la Bible. Ile Mungu anafanya kinabatana na Biblia na maisha yako. Votre nature. Asili yako. Changera certainement. Itabadilika. Alima de Jésus-Christ. Picha ya Bwana Yesu Kristo. Prions. Tuombe.